quatrième et dernier temps de notre série France-Égypte, fascination mutuelle. Aujourd'hui, le débat. Qu'allait donc faire le roi de France en Égypte en 1248 ? La septième croisade se terminera par une défaite et la captivité de celui qui deviendra ensuite Saint-Louis. Elle intervient dans un contexte proche-oriental confus dans lequel les jeux de pouvoir dans l'espace musulman sont complexes. Que savaient les croisés alors de l'Égypte ? Y avait-il chez eux la volonté de faire plier la région la plus forte du Proche-Orient pour gagner Jérusalem ou bien tout simplement pour rester sur place ? Comment fut perçue la figure du roi de France par ses vainqueurs ? Pourquoi une fois libéré, décida-t-il de rester de longs mois en Orient ? C'est ce que nous verrons avec Victor Massé de l'Épinay qui va co-animer ce débat avec moi et avec nos trois invités. Yann Potin, il est maître de conférences associé à Paris 13 et chargé d'études documentaires aux Archives nationales. Anne-Marie Edé est professeure d'histoire médiévale des pays d'islam à Panthéon-Sorbonne et auteur d'une grande biographie Flammarion de Saladin. Et Abbès Zouach est avec nous également. Il est chercheur au CNRS, spécialiste de la guerre dans l'Orient musulman et il est directeur du Centre français d'archéologie et de sciences sociales à Kuwait City. Comment a-t-il pu venir à l'esprit de votre majesté, avec toute sa vertu et le bon sens que je découvre en elle, de s'embarquer sur un navire et de venir dans ce pays si rempli de musulmans et de troupes avec la conviction qu'elle pourrait vaincre et s'en emparer ? Cette entreprise est le plus grand risque auquel elle pouvait exposer elle-même et ses sujets. Le roi sourit et ne répondit rien. Bonjour Victor Massé de l'Épinay. Bonjour Emmanuel. Bonjour Yann Potin. Bonjour. Bonjour Abbès Zouach. Bonjour. Et bonjour à vous Anne-Marie Edé. Bonjour Emmanuel. Alors ce texte est un texte d'un historien très connu, Ibn Wasil, et il raconte donc la rencontre entre un émir et le roi Louis IX, donc alors qu'il est en captivité en Égypte après avoir échoué à gagner ce pays lors de la septième croisade. C'est quoi ce dialogue et pourquoi est-il important pour notre affaire d'aujourd'hui ? Oui, alors ce dialogue nécessite d'être explicité par un petit retour en arrière, c'est-à-dire pourquoi la croisade de Saint-Louis en étant au milieu du XIIIe siècle. Et il se produit en fait en 1244 un événement important. Jérusalem, qui était sous la domination des Francs depuis le traité de Jaffa entre l'empereur Frédéric II et le sultan d'Égypte qui appartenait à la dynastie des Ayyoubides fondée par Saladin, Jérusalem était revenue sous administration franque, avait été reprise brièvement par les musulmans, mais en 1244, le sultan d'Égypte envoie une expédition pour reprendre la ville et la ville est reprise dans un bain de sang en 1244. Alors, ce n'est pas cet événement a sans doute influencé Louis IX dans sa décision de prendre la croix, mais ce n'est pas le seul événement qui l'a poussé à prendre la croix, car il a lui-même été très malade en 1244 et il avait fait le vœu, s'il guérissait, de prendre la croix aux grandes dames d'ailleurs de sa mère Blanche de Castille, qui ne souhaitait pas le voir partir. Il a 34 ans lorsqu'il va partir en 1248, c'est ça ? Il est né en 1214. Tout à fait. Donc, il décide de prendre la croix, mais il va s'écouler un certain temps entre le moment où il fait ce vœu et le départ vraiment à la croisade. Alors, la croisade, il faut le rappeler, c'est une expédition à caractère religieux, c'est-à-dire que c'est le pape qui doit lancer l'appel à la croisade. En principe, ça se fait sous l'égide et sous la direction de l'Église, et le pape lance effectivement un appel à la croisade en 1245, mais Saint-Louis avait déjà décidé de prendre la croix. Il va mettre un un certain temps à se préparer parce que ça coûte cher de partir à la croisade. Il faut lever des fonds, il va lever des taxes sur les biens de l'Église, sur les villes. Et finalement, il ne part qu'à l'été 1248. Vous voyez, il a mis quand même presque 4 ans à partir. Et il s'embarque du port d'Aigues-Mortes dont il avait accéléré la construction et grâce aussi à la flotte de Marseille qu'il va utiliser. Alors, Abès-Zouache, il arrive dans quel Orient ? Un Orient compliqué, comme l'aurait dit un président de la République beaucoup plus tard. Un Orient compliqué qui est divisé, mais où l'Égypte a un rôle central, en l'occurrence, Abès-Zouache. Donc, oui, effectivement, dans un Orient compliqué qui est en cours de reconfiguration, un sultanat ayoubite a été créé à partir de 1171 par Saladin. L'Égypte est devenue le centre, finalement, du pouvoir au Proche-Orient. Et lorsque Saint-Louis arrive, les ayoubides sont divisés. Ils ont intégré un nombre considérable de soldats militaires professionnels, les Mamelouks, qui forment une sorte de garde prétorienne. Et ces gardes prétoriennes vont prendre de plus en plus d'importance dans l'armée ayoubide. Et lorsque Saint-Louis arrive, la guerre, la bataille va finalement cristalliser un certain nombre de tensions et un changement de régime va se mettre en place. Alors, il faut dire qu'au moment où Saint-Louis embarque en Orient, eh bien, celui qui dirige, le sultan qui dirige cet espace géographique, sultan donc qui a des prétentions sur l'ensemble de ce Proche-Orient, est obligé de quitter son siège près du Caire pour pouvoir repartir faire la guerre à d'autres prétendants et en particulier à aller courir sous les murailles d'une ville qu'on connaît bien pour d'autres raisons aujourd'hui, sous la muraille d'Homs, donc, et à tenter de fédérer ce Proche-Orient sous sa coupe. Il n'y parvient pas et c'est quelques semaines avant l'arrivée des croisés en Égypte qu'il est obligé de revenir en catastrophe, transporté alité pour pouvoir porter la guerre dans un autre front, ce qui sera le front contre les croisés, en l'occurrence à Abès-Zouache. Oui, tout à fait. Il est malade, affaibli. Face à ses frères et ses cousins qui lui contestent sa légitimité, qui sont en Syrie, souhaitent assurer leur propre pouvoir et défendre leur autonomie. Et il revient en catastrophe, en tout cas très rapidement en Égypte, où il va essayer, à partir de son lit, d'organiser la défense, alors que les croisés arrivent, qu'ils sont réputés bien équipés, que Damiette est menacée. Et on va raconter la suite avec vous, Victor Massé-Lépinet. Oui, un mot quand même pour savoir ce que c'est Louis IX à l'époque, en 1248, quand il embarque de cette situation en Égypte et au Proche-Orient en général. Est-ce qu'il connaît toutes ces affaires, le départ du sultan pour la Syrie? Ou est-ce que pour lui, l'Égypte, c'est autre chose? Est-ce que l'Égypte, c'est aussi une idée? On peut penser évidemment à Saint-Augustin, quand on est un chrétien du XIIIe siècle. On peut penser peut-être au roman d'Alexandre. Qu'est-ce que ça représente, l'Égypte, pour un roi chrétien comme Louis IX? Anne-Marie Edé. Oui, alors l'Égypte, effectivement, il y a plusieurs images de l'Égypte que l'on peut déceler. D'abord, il y a l'Égypte de la Bible. Les pèlerins qui vont en Terre Sainte passent par l'Égypte parce que c'est l'Égypte de Joseph qui a fait venir son père et ses frères en Égypte à l'époque de Pharaon. C'est l'Égypte de Moïse. C'est l'Égypte de la Sainte Famille de Marie, Joseph et le nouveau-né Jésus qui fuit les persécutions d'Hérode. Et donc, les pèlerins vont en Égypte pour aller sur la trace de cette mémoire. Mais c'est une Égypte évidemment plus imaginaire que réelle. D'autre part, Saint-Louis avait certainement connaissance du pouvoir qui régnait à ce moment-là en Égypte, ne serait-ce que par les échanges qu'il avait pu avoir avec l'empereur Frédéric II, qui était venu en Orient, qui avait visité Jérusalem, les monuments musulmans, qui connaissait moins bien l'Égypte, mais enfin qui lui avait dit qu'il avait un peu mis au courant de la situation. Et d'ailleurs, les sources arabes rapportent une correspondance qui aurait eu lieu entre Frédéric II et Saint-Louis. Non, d'abord Saint-Louis, oui. Lorsqu'il a appris que Louis IX voulait partir en croisade, et dans cette lettre qui est rapportée par les sources arabes pour bien marquer la différence entre les deux souverains, Frédéric II lui dit, mais enfin, que vas-tu faire dans ce pays? Moi, j'y suis allé avant toi et je ne suis parvenu à rien. Et d'ailleurs, Frédéric II, disent les sources arabes, écrit au sultan Al-Salih pour lui dire, j'ai tenté de retenir, Louis IX et il ne m'a pas écouté, il va partir quand même. Et il est persuadé qu'il va prendre l'Égypte en quelques jours. Donc, effectivement, la différence entre les deux souverains est très marquée. Abbès Zouache et puis Yann Potin. C'est vrai qu'il faut inscrire l'arrivée de Saint-Louis dans une continuité, c'est-à-dire que la croisade, la septième croisade, s'inscrit dans une connaissance quand même plus approfondie de l'Orient, de l'Égypte, des souverains, des dynasties. On n'est pas en 1099. Là. Nous ne sommes pas au moment de la première croisade. Donc la géographie et les connaissances sont évidemment littéraire, symbolique, fantasmé, mais il y a quand même un certain nombre de textes qui ont été rédigés, qui sont lus, qui sont connus en Occident, et il y a une perception de l'espace qui est quand même bien meilleure. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on choisit désormais la voie de mer pour la croisade. C'est pourquoi finalement la croisade est, Anne-Marie l'a précisé tout à l'heure, préparé avec avec beaucoup de précautions. Oui, et il y a aussi dans la tête peut-être de Louis IX, roi très chrétien, il y a peut-être l'exemple d'un prédicateur qui s'est rendu en Égypte un peu plus tôt, c'était en 1219, et c'était François d'Assise, en l'occurrence Yann Potin. Oui, en effet, en fait la perception, avant de revenir au cas de l'imitation que Louis IX peut faire, en tout cas que ses conseillers lui proposent de faire, ses conseillers qui sont justement des dominicains et surtout des franciscains, donc là on est en plein dans l'influence idéologique qui fait que la croisade de Saint-Louis est aussi un programme politique et un programme le roi des ordres mendiants de communication politique. N'oublions pas qu'il a créé la Sainte-Chapelle et que finalement il a déjà la couronne d'épines avant de partir. Donc en fait il a, ce qui est assez, il va soi-disant pour libérer indirectement Jérusalem en allant frapper au cœur du pouvoir politique. Mais en même temps, il a la couronne d'épines qui vient d'installer sa maison à Paris. Rapporté par André de Longjumeau, donc dominicain, qui l'a ramené depuis Venise. Et qui l'a ramené surtout depuis Byzance. Et puis qui part en 1247, donc l'année d'avant donc le départ de Louis IX. André de Longjumeau repart en Orient pour une sorte de, non pas pèlerinage, mais d'entreprise diplomatique où il va rencontrer des chrétiens d'Orient et des choses comme ça, et ramener un rapport à Louis IX avant même qu'il puisse embarquer à Aigues-Mortes. Donc c'est pour ça que les objectifs restent quand même divers, multiples. Vous venez de citer les chrétiens d'Orient, la volonté de conversion. Un des premiers actes à Diamniette va être de créer une église. Il y a vraiment. Et un archevêché. Voilà. Il y a une entreprise qui dépasse simplement le motif reprendre Jérusalem. Et à la fois, précisément, on sait, ce ne sera pas finalement le cas, puisque même Saint-Louis refusera, Louis IX, d'aller à Jérusalem. Mais je voulais dire par rapport à l'im, pour faire écho à ce que mes collègues ont dit il y a un instant, le paysage imaginaire de l'Égypte reste quand même complètement non seulement emprunté de la Bible. Rappelons-nous que les pyramides sont considérées comme les greniers à blé de Joseph. Donc, parce que les pyramides, ça pour le coup, c'est quand même un peu visible. C'est visible. Et c'est considéré comme les greniers à blé de Joseph. Donc tout est rapporté à la geste biblique. Ou aussi, n'oublions pas que le best-seller de l'époque, c'est déjà le roman d'Alexandre. Et qu'on est pour un prince occidental qui précisément a la prétention d'être empereur bientôt dans son royaume, l'Égypte, c'est aussi évidemment le lieu de l'accomplissement de la geste d'Alexandre. Et donc quelque part, avec d'ailleurs la citadelle de Fustat qui s'appelle dans leur tête la Babylone d'Égypte. Donc il y a des confusions assez intéressantes. Et il y a cette idée aussi toujours que ce paysage ou cette géographie est fondamentalement pas complètement étrangère puisqu'elle est matricielle par rapport à la Bible, par rapport au souvenir de l'Antiquité légendaire d'Alexandre. Alors, que se passe-t-il quand il finit par débarquer en Égypte après avoir quitté donc Aigues-Mortes au milieu de 1248, Anne-Marie Hédée, il arrive donc en Égypte et il va entreprendre quel type d'entreprise guerrière pour pouvoir donc gagner j'imagine, le Caire. C'était le but à ce moment-là. Oui, alors il ne va pas directement en Égypte. Il passe par Chypre, par l'île de Chypre. Il va passer d'ailleurs tout l'hiver 1248-49 à Chypre. Chypre avait été conquise par Richard Cœur de Lion lors de la troisième croisade et c'est devenu une base de ravitaillement des troupes. C'est devenu une base de repli. D'ailleurs, à la fin des croisades, les Latins vont se replier sur Chypre. Il passe tout l'hiver à Chypre et puis il décide au début de l'été 1249 d'aller à Damiette. Il prend facilement la ville de Damiette. Je pense d'ailleurs à sa grande surprise et aux grandes dames du sultan Ayoubide qui y avait placé une garnison arabe pour défendre la ville et la garnison se rend très vite et les habitants fuient la ville de Damiette. Donc il s'empare assez facilement de la ville de Damiette et se prépare en effet à partir plus au sud vers le Caire. Alors le sultan Al-Salih Ayoub est revenu dans son palais qui n'est pas au Caire, qui est dans un autre endroit, à Bezouach, et il ne va pas punir, sauf une partie de ses troupes qui ont fui Damiette devant l'arrivée des croisés, mais il va tenter de les redynamiser et donc de faire en sorte qu'ils repartent au combat, en l'occurrence. Alors, il faut bien penser à une chose, c'est que nous avons nombre d'incertitudes concernant la croisade, les forces en présence. Est-ce que c'est 30 000, 35 000 croisés, on ne sait pas. Il semblerait que ce serait, alors un certain nombre de chiffres, ce serait 25 000, dont 3 500 chevaliers puissamment armés et d'autres troupes. Bon, tout cela pose question. On ne sait pas vraiment en face combien d'hommes disposait le sultan Ayoubide. Cela étant dit, ce qui est très intéressant, c'est que dans la démarche, premier objectif, donc Damiette, qui s'écarte, qui se rend sans coup férir, lui revient. Il y a quand même une punition d'un certain nombre d'officiers qui ont déserté. On parle de 70 hommes qui auraient été pendus. Dans certains textes arabes, il est fait mention de leur crucifixion. Enfin, donc on a des récits qui sont un peu différents, mais en tout cas, c'était un sultan qui était craint, mais il choisit justement de redynamiser, de redonner confiance, et il va s'appuyer sur des troupes d'élite, cette garde prétorienne à laquelle je faisais allusion, les Mamelouks, qui vont jouer un rôle fondamental dans les combats qui vont avoir lieu. Victor Massé de l'Épinay. Oui, alors Mariette est donc prise facilement, alors qu'elle était préparée. Damiette, pardon. Il confond Mariette et Damiette. Voilà. Excusez-moi. Elle est prise facilement, elle avait de quoi tenir un siège de 2 ans. Et Saint-Louis va y rester quelques temps avant de repartir vers le sud, vous l'avez dit, Anne-Marie Aidé, pour arriver finalement à la Mansoura, où là, l'opposition va être tout autre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pourquoi est-ce que les Égyptiens qui sont là abandonnent Damiette si facilement? Et pourquoi, quelques mois plus tard à la Mansoura, toute l'armée est remobilisée, l'armée et aussi un certain nombre de paysans qui viennent de loin pour s'adjoindre à l'armée égyptienne et combattre les croisés. À Bezouach. Oui, donc la démobilisation, la désertion d'une certaine manière, ce qu'on appellerait une désertion, qui pouvait être courante au Moyen-Âge, les combats donnaient souvent lieu à des abandons de poste, si je puis dire, serait due au fait qu'une rumeur circulait suivant laquelle le sultan était en train de mourir ou était mort, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrivera assez vite. Il va aller jusqu'au bout de son combat, mais il mourra très vite après. Finalement arrivera. Alors, ce qui est intéressant au niveau des combats et de la mobilisation des forces, c'est que effectivement, il y a une forme d'appel au djihad, de mobilisation de la population. Certains soufis auraient même participé au combat, selon certains auteurs arabes. Liafiri, par exemple, qui parle de Shadili, qui aurait mobilisé des troupes. Tout cela n'est pas très clair, mais en tout cas, il y a, comme pour toute armée, pour au Moyen-Âge, en Orient, il y a des cercles concentriques, la garde prétorienne, des auxiliaires, des nomades qui vont intervenir et qui vont avoir un rôle aussi tactique de harcèlement. Il y a aussi des soldats qui ont été mobilisés parmi la population en armes, et on parle du fait que nombre d'hommes dont faire la guerre n'est pas le métier ont accouru pour défendre l'islam. Oui, et donc effectivement conduire à la défaite des troupes des croisés et à l'arrestation de beaucoup d'entre eux, mais aussi au massacre de bien d'autres. Mais avant d'arriver peut-être à cette scène fondamentale de la captivité de Louis IX, pensons que quand même, revenons sur la Mansoura, parce que c'est pas n'importe quel lieu. D'abord, c'est un camp fortifié. Ben surtout, ça veut dire en arabe la victoire, la victorieuse. Et surtout, c'est la citadelle qui est le lieu de mémoire de la cinquième croisade, cette fameuse cinquième croisade de 1219, où Jean de Brienne et une croisade de barons ont été bloqués précisément dans le delta. Et c'est là où il faut revenir à son manuel de géographie. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, ils connaissent un peu mieux le milieu égyptien, peut-être ils en ont une vision désertique, mais là on est dans le delta. Et c'est ça va être terrible pour l'armée franque. Et c'est quand même si les chroniques, évidemment, on peut pas leur faire totalement fait confiance, que ce soit les chroniques occidentales ou les chroniques des langues arabes, de la langue arabe, il y a quand même une certitude, c'est qu'ils s'enfoncent dans ce marais. Il y a des débats dans l'armée franque, notamment Robert d'Artois, le cousin de Louis IX, veut, justement, dans une vision archaïque de l'exploit chevaleresque, veut reprendre la Mansoura, étant persuadé que ce serait une défaite symbolique, puisque précisément, 30 ans plus tôt, les croisés ont reculé devant la Mansoura. Et c'est pour ça que la Mansoura, d'ailleurs, s'appelle la Mansoura. Donc, il y a aussi une guerre symbolique, une guerre de nom. Et on retrouve en plus la mémoire de François d'Assise, qui, lui, a été à la Mansoura. Donc, c'est un rendez-vous, presque, entre Louis IX et la mémoire des croisades qui se joue à la Mansoura. Seigneur, sachez qu'Ior ne s'en ira en celle terre où Dieu fut mort et vis, et qu'il a crué d'outre-mer ne prendra à peine, mais ira en paradis. Qui en souhait pitié ne ramembrance, ô Seigneur, d'où équerre sa vengeance et délivre sa terre et son pays. Tuit les mauvais de mourront par de ça, qui n'aime Dieu bien honneur ne prise. Et chacun dit, ma femme, que fera-je de l'héroé à nulle fleur, mes amis? S'il songe, oui, tant trop folle attendance, qu'il n'est ami fort que s'il, sans doute, anse, qui pour nous fut en la vraie cruémie. Or, sans dire s'il vaillant va... Seigneur, sachez qu'Iol ne s'en ira, donc Thibaut IV, comte de Champagne, un titre sous la direction de Brigitte Laine. Victor Massé de Lépinay, nous continuons notre débat, quatrième émission de notre série consacrée au rapport de la France à l'Égypte et consacrée aujourd'hui à la septième croisade, celle qui vit Louis IX arrêté, donc avec ses troupes, et mis en captivité par le sultan d'Égypte. Oui, et avant d'arriver à cette captivité, peut-être redire un mot de cette bataille de la Mansoura. On l'a dit, c'est le delta du Nil, c'est un terrain, un théâtre d'opération particulier, et cette bataille a été absolument phénoménale. Quand on lit dans les sources, qu'elles soient donc arabes ou occidentales, toutes les armes sont utilisées, on a des bateaux, on a le feu grégeois, on a les fantassins, les cavaliers. Dans le fond, est-ce qu'on peut savoir, à Bezouach, pourquoi les croisés ont perdu? Il y a l'entêtement de Robert d'Artois, peut-être? Il y a peut-être d'autres facteurs? Oui, à mon sens, il est très difficile et de reconstituer une bataille médiévale. C'est même du domaine de l'illusoire. Cela étant dit, nous avons des textes qui nous permettent de comprendre les grandes lignes et de comprendre comment les choses se sont passées et pourquoi finalement un parti l'a emporté sur l'autre. Donc il est très clair, et cela était souligné par Yann Cotin tout à l'heure, que la méconnaissance du terrain a joué un rôle très important et a conduit les croisés à s'embourber. Ensuite, il faut penser que nous sommes sur une bataille, sur des combats qui s'étendent sur plusieurs semaines, plusieurs mois, avec la fatigue, l'épidémie et la dysenterie. Et donc là, nous avons des combattants affaiblis. Il faut tenir compte aussi du fait de la qualité des soldats, et des soldats mamelouks en particulier, dont nous avons dit tout à l'heure que c'était des esclaves militaires formés, éduqués pour faire la guerre, et qui sont des cavaliers, mais aussi des fantassins émérites, très lourdement armés. Il y a donc des combats navals et aussi terrestres, avec l'utilisation des armes finalement les plus sophistiquées de l'époque, en particulier le feu grégeois, qui impressionne, les récits de Saint-Louis sont très clairs sur ce point, qui impressionne, qui crée vraiment la panique parmi les rangs croisés. Et ce sont des boules de feu qu'on envoie, qu'on projette, dont certains textes arabes qui sont des certains traités militaires donnent l'idée suivant laquelle on utiliserait même des poisons à l'intérieur de l'arsenic, du mercure, etc. Mais tout cela est encore à étudier. Et alors, Anne-Marie Aidé, on a dit tout à l'heure ce que les croisés avaient dans la tête quand ils pensaient à l'Égypte, et en particulier cette Égypte biblique qui ne nous vient pas naturellement à l'esprit, puisqu'on pense effectivement à l'Égypte des pharaons la plupart du temps, mais eux, ils n'ont pas ça en tête, en l'occurrence, ils voient autre chose. Et est-ce qu'il y a aussi une dimension stratégique à cette volonté de descendre en Égypte, et peut-être de conversion de cette partie du Proche-Orient séparément de la volonté de reconquérir Jérusalem? Oui, alors moi je crois moins au désir de conversion de l'Égypte de la part de Louis IX et de ses troupes, mais l'Égypte c'est d'abord un enjeu stratégique et politique très important. Et ce n'est pas la première fois que les Francs s'intéressent à l'Égypte. On le voit déjà dès la fin du XIIe siècle, lorsque les troupes du roi de Jérusalem, Amaury Ier, dans les années 1160, vont se heurter aux troupes envoyées par le souverain de Syrie de l'époque, parce que la dynastie en place en Égypte à cette époque et la dynastie fatimide s'affaiblit et que l'Égypte devient un enjeu, et il y a une confrontation en fait déjà entre les Francs et les musulmans en Égypte à cette époque-là. On a parlé de la cinquième croisade tout à l'heure, qui a beaucoup de ressemblances avec celle de Louis IX, c'est-à-dire où on vise Damiette. Alors pourquoi l'Égypte? Parce que au XIIIe siècle, à l'époque ayoubide, l'Égypte c'est le centre du pouvoir. C'est de là que viennent les troupes qui se battent en Syrie contre les Francs, c'est de là que vient l'argent, et donc il faut s'attaquer au centre du pouvoir pour avoir une chance de gagner du terrain en Palestine. Et par ailleurs, prendre l'Égypte, c'est aussi éviter d'être pris en étau entre la Syrie d'un côté, l'Égypte de l'autre, et les terrains, les États latins au milieu. Et enfin, il y a un aspect aussi dont on n'a peut-être pas encore parlé, c'est l'enjeu économique. L'Égypte, c'est un pays riche. C'est un pays qui a des productions agricoles, du lin, du riz, du sucre importantes. C'est en plus une plaque tournante du commerce entre la mer Rouge d'un côté, l'océan Indien, et la Méditerranée de l'autre. Et c'est donc une région qui est très fréquentée par les marchands. Et les marchands italiens, en premier lieu, pisans, génois, vénitiens, mais aussi au XIIIe siècle, de plus en plus, catalans et marseillais. Et donc, il y a aussi probablement... Une accoutumance, effectivement. Une volonté aussi de mettre la main sur ce potentiel économique. Yann Potin. Oui, en fait... fondamentalement, ça signifie bien que les croisades s'adaptent au fur et à mesure qu'on les unifie comme ça dans une sorte de geste qui va du 11e au 13e siècle. Mais en fait, leur centre de gravité s'est déplacé avec la géopolitique de la zone elle-même. Ça, c'est extrêmement intéressant, j'ose dire. Et entre l'Asie mineure, on va dire la Syrie, puisqu'effectivement, au 12e siècle, Damas est beaucoup plus, si j'ose dire, centrale. Centrale, et en partie, va être en partie partie affaiblie précisément par l'existence des États latins. Donc, enfin, je veux dire, il y a toute cette chose-là, qui, toute cette finalement cette aimantation du pouvoir. Et par ailleurs, toujours, l'Égypte, c'est bien entendu cette terre des chrétiens, non pas d'Orient, mais véritablement de l'exil copte. Et peut-être que sur la conversion, il faut pas forcément évoquer la conversion directe des musulmans, mais d'abord l'alliance. La recherche de l'alliance, plutôt, avec les autres chrétientés, dans une perspective, à ce moment-là, où la papauté commence à vouloir prétendre, enfin, depuis longtemps, à l'universalité, mais à prendre des contacts pour essayer de prendre de revers, évidemment, le monde orthodoxe. Et c'est quand même le grand rendez-vous de la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, où on va convoquer les anciennes églises. Donc, il y a aussi toute cette stratégie de revers, en quelque sorte. Abbès Zouach. Oui, simplement. Donc, il est vrai que l'idée de croisade est une idée évolutive. Donc il est difficile de considérer les croisades, de penser les croisades du XIIIe siècle comme celles du XIIe siècle. Ce qui est vrai, qu'il est vraiment important de souligner, c'est que l'Égypte a très tôt, souvenons-nous du roi Baudouin en 1118 qui fait une expédition en Égypte, a très tôt représenté, les croisés ont très tôt compris que l'Égypte était une clé du Proche-Orient, était une clé importante et on cherchait à la posséder. Et enfin, l'idée de conversion, alors il faut faire une différence entre ce que Saint-Louis pouvait penser, ce dont il pouvait être persuadé, ou alors les arguments qu'il pouvait mettre en avant pour se persuader lui-même ou pour persuader ses sujets et ses proches, et la réalité au Proche-Orient. Victor Massé-Lépinay. Oui, alors il faut en arriver à cette captivité de Saint-Louis, qui marque un peu le point d'orgue de cette septième croisade d'une certaine façon. Avant de voir comment cette captivité a été interprétée par les historiographies au fil des siècles, depuis les chroniqueurs du XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, peut-être qu'il faut commencer, Anne-Marie-Aidé, par nous dire ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir de cette captivité proprement dite. Où a-t-elle eu lieu? Combien de temps? Et puis peut-être dans quelles conditions? Est-ce que Saint-Louis était un prisonnier dont on prenait beaucoup de soins, avec beaucoup d'égards? Ou est-ce qu'il était un prisonnier enchaîné? Déjà ça a fait débat. Oui, alors ce qui ne fait pas débat, c'est effectivement que Louis IX a été fait prisonnier le 6 avril, donc 1250, et il a été transporté au vu, au su de tout le monde pour bien marquer justement l'importance de cette captivité. Il va être retenu prisonnier dans une maison dans la localité d'Al-Mansoura, là où se trouvait le siège du... l'armée à ce moment-là, et il va y rester un peu moins d'un mois, puisque des négociations vont très vite s'ouvrir. Il faut rappeler qu'à l'époque, effectivement, la question de la rançon est quelque chose de très commun, c'est très commun, absolument. Et que donc c'est pratiqué par les souverains européens, par les armées européennes, comme les armées donc au Proche-Orient. Et c'était déjà pratiqué à l'époque de Saladin, par exemple, c'est-à-dire que les personnages importants, comme Louis IX, on ne les tue pas. On ne les tue pas, mais on les traite bien parce qu'il faut justement ensuite pouvoir en tirer le maximum. C'est-à-dire non seulement une rançon, mais un traité politique qui va permettre de restituer Damiette et de reprendre Damiette. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, il se produit, si vous voulez, au moment où Louis IX est en captivité, il se produit un événement majeur auquel tout à l'heure Abbès Zouach a fait allusion, qui est un changement de régime, puisque le 2 mai 1250, alors que Louis IX est en captivité, que les négociations sont en cours. Le successeur du sultan dont on a parlé tout à l'heure, qui était malade, qui est mort fin novembre 1249, son successeur Turan Shah met un certain temps à arriver. Qu'il était au Proche-Orient, en Mésopotamie. Et puis, mais c'est pas quelqu'un qui se montre capable de gouverner. Il s'aliène très vite les émirs de son père. Un complot est organisé contre lui et il est assassiné le 2 mai par les Mamelouks qui ne cherchent pas tout de suite à prendre le pouvoir pour eux-mêmes, puisqu'ils vont mettre sur le trône la femme du sultan précédent qui était mort en novembre. Femme d'ailleurs sur laquelle on a rêvé, parmi les légendes, on a rêvé l'idée qu'elle avait pu rencontrer... Magnifique, oui. Oui, alors bon, ça c'est encore un autre sujet, mais ce que je voulais dire juste qu'elle pour terminer... Qu'elle avait pu rencontrer Saint-Louis, je voulais terminer, oui, voilà. C'est mais ça. Oui, bon, enfin, ça, ça fait partie effectivement de la légende. La romance. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que dès le lendemain de cet assassinat, le 3 mai, le traité est conclu avec Louis IX, il est libéré contre une rançon qui n'a d'ailleurs jamais été payée en totalité, hein, ils en ont payé la moitié, et contre surtout la reddition de Damiette. Et c'est à ces conditions-là que le roi peut ensuite rejoindre Damiette et de là s'embarquer vers la Terre Sainte. Yann Potin. Oui, alors le récit de cette captivité, quand on, c'est vraiment intéressant. Moi, j'avais tenté l'exercice il y a quelques années dans un petit article publié dans Afrique et Histoire de comparer après Anne-Marie Hédé et Claude Cahen les doubles récits des deux rives, en fait, si j'ose dire, avec évidemment toute la problématique de la datation de ces récits, parce qu'effectivement, c'est un peu délicat à manipuler, mais finalement, on a quand même pas mal de récits de la fin du XIIIe siècle, donc on peut quand même caler, c'est pas l'éloignement chronologique n'est pas bon, hein, évidemment une garantie, mais voilà. Moi, ce qui me semble important, c'est qu'évidemment du côté des chroniques occidentales, si on raisonne en termes de sources pour rendre compte de cette captivité, c'est qu'évidemment là encore, ou là comme ailleurs pour Louis IX, tout est pris, tout est enrobé par la canonisation, ah oui. Puisque cette captivité, on pourrait croire. Qui intervient la canonisation très rapidement après sa mort. En 1297. Moins rapidement les captations auraient voulu. Beaucoup de négociations avec la papauté. Ce qui est important, c'est que fondamentalement, on pourrait se dire, c'est un peu honteux cet épisode. C'est quand même un peu curieux. Et en fait, dans les vies de Saint-Louis, la fin du XIIIe siècle... Les Français aiment la défaite. Oui, alors, là, c'est une matrice. Une très belle matrice de la défaite. Voilà, ça c'est clair. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment le renversement, puisque c'est vu comme la preuve de l'exercice au martyr. Et d'ailleurs, même Louis IX, au moment de sa mort, beaucoup plus tard dans une autre croisade, dira qu'il est prêt à la captivité perpétuelle dans les vies de saints. Donc en fait, ce motif de la captivité, qui est prêt de donner son corps pour, évidemment, dans son idéologie ultra radicale, de radicaliser, puisqu'il faut bien admettre que Louis IX est un genre de radicalisé, quand même. Justement, grâce à ses ordres mendiants. Ah non, mais j'assume. Donc, effectivement, et a fortiori, ses hagiographes beaucoup plus tard. Donc, bref, c'est très difficile de savoir ça, parce que, en effet, on a plutôt l'impression que le rapport de force est quand même très en défaveur des Francs. Et a fortiori du fait du meurtre du sultan. Parce que, imaginez, Anne-Marie vient de le rappeler, il y a un coup d'État, après tout, les Francs, ils pourraient en profiter pour se carapater. Mmh. Mais non, ils n'ont même pas les conditions, ils sont encore obligés de négocier, même après le coup d'État. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, cette captivité est un peu un angle mort, en quelque sorte. Alors, Abbès Zouache, c'est aussi un moment très important de toute l'histoire de ce Proche-Orient musulman, parce que ça n'est pas, c'est une coïncidence, enfin on ne sait pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais enfin le fait que ce coup d'État et que les Mamelouks prennent le pouvoir va changer, on change de dynastie, on change de période, pourrait-on dire, et cela va influer sur une très longue durée, au point que des souverains contemporains de l'Égypte comme Nasser vont faire de ce moment-là un moment extrêmement important de l'histoire nationale. C'est le moment où il y a une bascule, comme on peut avoir dans chacune des histoires nationales des bascules historiques. Oui, c'est un moment de bascule, c'est un changement de régime, c'est un changement de système politique, puisque désormais donc nous avons des dynasties d'esclaves soldats, donc les Mamelouks, qui sont au pouvoir et qui vont incarner non seulement la guerre, mais aussi la résistance et le combat contre les envahisseurs chrétiens lorsqu'ils arrivent, mais en tout cas contre les États latins d'Orient, et ils vont mettre fin aux États latins d'Orient. C'est un changement qui est important, d'autant plus que cette dynastie, qui est une dynastie militaire, qui va militariser progressivement la société, même si la militarisation était déjà en cours, va en sus de cela, quelques années après, remporter une grande bataille à Injalut, qu'ils vont résister aux Mongols, et que les deux ennemis les plus importants finalement de l'islam proche oriental sont mis à bas. Et progressivement, mais c'est un peu plus tardif. C'est les auteurs arabes sont assez ambivalents. Ils n'accordent pas à la bataille de Mansoura autant d'importance qu'à celle de Hattin, remportée par Saladin, qui est quand même la figure héroïque par excellence. Mais cela étant dit, au XXe siècle, mais je vais être très bref, effectivement, il y a un réinvestissement de la bataille, de l'emprisonnement, et progressivement, donc on fait de cet événement un lieu de mémoire. D'autant, Anne-Marie Hédé, que les figures de Louis IX chez les chroniqueurs arabes sont variées. Il peut être un rusé matois, et il peut être aussi, à d'autres moments, quelqu'un de franc et de généreux. Et donc, on a des figures très alternantes, pourrait-on dire, de ce roi de France mis en captivité, puis ensuite libéré. Oui, la vision des auteurs arabes de Louis IX est partagée, c'est-à-dire que d'un certain côté, il y a un certain respect pour la figure de l'homme, pour ce qu'ils appellent sa sagesse, sa piété aussi, qu'ils ont remarqué et qui leur paraît tout à fait remarquable, pour sa puissance, parce qu'ils savent que c'est un roi qui compte en Occident, et pour son courage, puisqu'il est relevé que, par exemple, il aurait pu fuir lors de la bataille et ne pas être fait prisonnier, mais qu'il a voulu rester avec ses troupes, qu'il a le sens de l'honneur, que, par exemple, il ne va pas accepter l'invitation du sultan et ses cadeaux parce qu'il estime qu'il lui est supérieur. Et ça, c'est jugé comme une qualité de la part des auteurs arabes. Et en même temps, il le voit comme quelqu'un d'assez naïf, d'assez obstiné dans sa foi, au risque de l'aveuglement. Et justement, ils ne comprennent pas. Il y a vraiment une incompréhension de ses objectifs militaires à une époque où ils ont démontré en Égypte que les Francs, l'Égypte n'est pas une proie facile, puisque la cinquième croisade avait déjà échoué. Et donc, ils ne comprennent pas, il y a vraiment une incompréhension des objectifs militaires, alors qu'il y a un respect pour les qualités humaines de l'homme. Alors, Yann Potin, une autre question, qui d'ailleurs une véritable interrogation, on ne comprend pas véritablement, pourquoi repart-il vers la Terre Sainte? Pourquoi ne repartir-il pas directement vers le royaume de France? Il va y rester longtemps en Terre Sainte. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit même à ses sujets. Il leur dit, voilà, je vais rester. Donc, il envoie une lettre en 1250 au sujet du royaume de France en leur disant, ben voilà, je reste ici, je vous explique pourquoi je reste en Terre Sainte. C'est même, on peut dire que cette lettre peut être, Jacques Le Goff l'avait analysé en partie comme ça, comme la naissance de la communication politique de masse. Puisque, non, mais de fait, cette lettre ouverte du roi depuis sortant de ses geôles. En août 1250. Voilà, lettre ouverte expliquant à tous les habitants du royaume qu'il laisse le royaume à sa mère, qui va décéder d'ailleurs, en plus, donc un risque énorme sur la régence, la stabilité du pouvoir, mais ça prouve bien que le royaume de France fonctionne très bien, oui, et que l'État, sinon moderne, est déjà très largement en place, puisque le roi va quand même rester en Terre Sainte. Dans quatre ans, divaguer, et là évidemment on a très peu de divaguer au sens voyager, aller jusqu'à Jérusalem mais sans vouloir y rentrer, toujours avec ce code de l'honneur, surtout pour faire l'anti-Frédéric II. Dire moi Louis IX je ne prête je parce qu'il y a une lutte symbolique entre les deux qui est extrêmement forte. Avec ils l'empereur. Sont pas du tout amis, hein, et il a été quand même excommunié deux fois, Frédéric II, par le pape, et Louis IX est plutôt un bon élève, même s'il de par rapport à la papauté. Donc de fait, il négocie très certainement avec justement les puissances locales. On peut dire que c'est déjà là, il y a un côté presque levantin dans ce voyage de 4 ans. C'est très étrange, parce que on s'imagine un roi très chrétien qui a été mis en captivité, qui se promène relativement librement. On n'en sait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on en sait de ça, Anne-Marie Hédé ? Oui, en fait, il se promène pas vraiment. Son but, c'est d'abord de renforcer les défenses de la Terre Sainte. Donc, il fait reconstruire les forteresses. Et ça l'occupe aussi beaucoup. Et l'objectif, il faut pas oublier, ça reste quand même, à terme, la reprise de Jérusalem. Jérusalem est donc toujours dominée par, à ce moment-là, le sultan d'Égypte. Et effectivement, tout à l'heure, Yann Potin rappelait qu'il n'a pas voulu aller à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que rentrer dans Jérusalem, qui est sous domination musulmane, même pour y effectuer son pèlerinage, c'est d'une certaine façon accepter que Jérusalem reste aux mains des domination musulmane. C'est encore un acte de communication. Ce qui est vraiment intéressant, mais pour Saint-Louis, il n'en va pas différemment finalement des autres souverains. En fait, on est frappé par la facilité avec laquelle les occidentaux, ceux qui viennent de France ou d'ailleurs, lors des croisades, s'adaptent au contexte local. Soit ils sont bien conseillés, soit finalement, et c'est, je pense que c'est cela, il y a des pratiques qui ne sont pas si différentes en Orient, au Proche-Orient et en Occident. Oui, et ça veut dire qu'il y a une sorte d'accoutumance. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, à Bézoise, ça fait deux siècles ou presque, enfin ça fait un siècle et demi qu'on se connaît, et qu'on s'est bagarré, mais on se connaît également. Et on se connaît également, la guerre c'est aussi un échange, et les ennemis sont aussi des partenaires. Oui, et des échanges, il va y en avoir beaucoup pendant ces quatre ans, avec différentes puissances liées justement à ce moment aussi de reconfiguration du pouvoir mamelouk, et notamment le fameux éléphant de Louis IX. Donc il va recevoir en cadeau un éléphant qu'il va ramener à Paris. C'est un peu comme la girafe de Charles X. Et qu'il va donner à Henri III, Et surtout qu'il va donner à son cousin. J'ai dit tout à l'heure que Robert d'Artois était son cousin, je m'excuse, c'est son frère, dans l'enthousiasme. Donc je corrige pour que... voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est la note en bas de page. Voilà. Mais en revanche, Henri III et son même beau-frère, Henri III, en fait, le roi d'Angleterre, et c'est un cadeau. D'ailleurs, cet éléphant va vivre dans la tour de Londres après. Enfin, c'est une trace assez intéressante des échanges, surtout que, bon, on peut y voir des souvenirs, des gestes symboliques de réminiscence. L'éléphant en Égypte, c'est pas exactement tout à fait, bon, ou dans les marges de l'Égypte. Mais je pensais aussi à un autre échange qui apparaît. Alors là, on voit que tout est bon à prendre, si j'ose dire, dans les effets de récit et dans la construction permanente entre réalité et fiction dans les chroniques. Une des premières vies de Saint-Louis, la vie, n'est-ce pas, de Geoffroy de Beaulieu, en 1272, mentionne, moi c'était pour ça à l'origine je m'étais intéressé à ça, cette idée que Louis IX, pendant son séjour, aurait été fasciné par la richesse des savoirs et des livres, surtout possédés, il dit, par le sultan d'Égypte. Alors qu'il était encore outre-mer, le roi fidèle entendit de quelle façon le grand sultan des Sarrasins faisait chercher avec diligence et recopier à ses frais tout genre de livres qui pouvaient être nécessaires aux philosophes sarrasins pour les mettre en réserve dans sa bibliothèque afin que les lettrés puissent avoir copie des livres qui pourraient venir à leur manquer. Et non seulement il mentionne cela, mais il dit « Je m'en inspire pour créer moi-même une bibliothèque royale dans la Sainte-Chapelle ». Donc là, c'est un aveu très précoce, et en même temps, évidemment, qu'il ne faut pas non plus surdéterminer, et bien quand même quelque chose d'une forme d'échange, là, au sens fort du terme. Et d'un modèle, d'un transfert quasiment de modèle culturel. Victor Massel Lépinet. Oui, peut-être qu'il faut finir avec la vie de Saint-Louis, puisque Saint-Louis, donc on l'a dit, repart en Terre Sainte, il y reste longtemps avant de retourner en France, et finalement, on le sait, il mourra sur les côtes africaines, à Carthage. Qu'est-ce que cette captivité, qu'est-ce qu'on peut peut-être imaginer, puisque là les sources ne nous disent pas, mais de la mémoire qu'il a eue lui-même de cette captivité, et pourquoi finalement c'est encore en Afrique qu'il est reparti quelques années plus tard pour mourir encore plus à l'ouest, donc à Carthage, dans l'actuelle Tunisie. La deuxième croisade, ce qu'on a coutume d'appeler la deuxième croisade de Louis IX en 1270, pose problème, et surtout elle apparaît à cette époque-là comme une exception un petit peu dans le contexte occidental, parce que il faut se dire que au XIIIe siècle, l'idée de croisade n'est plus du tout celle qu'elle était au tout début. Il y a un très fort déclin de l'enthousiasme. Les croisades coûtent cher en hommes, en argent. Il y a un très célèbre poème de Rudebeuf qui s'appelle La dispute du croisé et du décroisé, où on voit les arguments de celui qui est pour et de celui qui est contre. Et il y a l'idée, en effet, que finalement, on peut aussi bien gagner son salut en restant musulmans en Europe, en luttant contre les musulmans en Espagne ou en allant convertir les populations des rivages de la Baltique. Donc Louis IX apparaît comme une exception parce qu'il garde cette conviction que il incarne le modèle du souverain, du bon roi chrétien qui va gagner son salut en œuvrant pour la chrétienté. Tout de même, Tunis, ça n'est pas rien, parce qu'en 1250, c'est quand même là où les Dominicains vont installer le premier studiorum arabicum. Oui. Donc, alors, pour le coup, un atelier de conversion. Un atelier de conversion où on apprend la langue qui va être autorisé, donc, d'une certaine façon, en même temps qu'il est en Égypte, lui, les Dominicains, ordre mendiant qu'il protège, s'installent à Tunis. Donc, Tunis, c'est aussi... une autre idée peut-être pour Saint-Louis de rejoindre cette chrétienté qui va peut-être s'étendre vers l'Afrique du Nord. Qui veut réagir? Oui, à Bezouache. Simplement, oui, cette idée de conversion qui est tout de même, en tout cas chez lui, présente. Et puis il y a, évidemment, il y a différentes interprétations de cette décision qui ont été proposées par les historiens au fil des siècles, mais il est probable, à mon sens, qu'il se représentait aussi Tunis et l'Afrique du Nord comme une étape commode pour ensuite repartir vers l'Égypte. Et là, Potin. En effet, mais de toute façon, là, c'est clair en 1267 quand le projet de dernière croisade et qui est clairement conçu comme une dernière croisade, puisque Saint-Louis sait qu'il ne reviendra pas. Et là, on peut dire que... Mais pourquoi ? Parce qu'il est malade. Quand il part en 1270, il est malade. Ouais. Enfin, sans vouloir dire, c'est quand même, ça rentre dans un programme de recherche du martyr qui est quand même, ce qui est quand même assez clair, je veux dire. Et les chroniques le disent. Enfin, et de fait, il dit très explicitement, je veux rendre à la terre d'Afrique, à la terre de Saint-Augustin, la chrétienté. C'est dit. C'est dit. Par les chroniques. Les sources le disent. Il faut juste admettre qu'il y a ce programme idéologique très fort, mais cela dit, ça n'empêche pas, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, mis en rapport et en écho avec la captivité, et y compris dans le procès de canonisation, la mort face aux infidèles à Tunis sera vue comme un rejet de la captivité de 1249. Et ce qui est intéressant, c'est que les chroniqueurs musulmans, beaucoup plus tard, ou Ibn Khaldoun, feront eux-mêmes le raisonnement en disant... Qui c'est ce personnage, ce Saint-Louis Ibn Louis, puisqu'on l'appelle comme ça, ce que je trouve assez beau, de l'appeler Saint-Louis fils de Louis, de fait son père s'appelait Louis, bon bah, effectivement, mais c'est juste en fait. Voilà, oui, c'est d'autant plus juste qu'on intègre phonétiquement sa canonisation au XIVe siècle, ça c'était au XIVe siècle évidemment, après la canonisation, fait le rapport entre les deux captivités, Et montre qu'il y a là, justement, une ligne à la fois de front et d'échange entre Orient et Occident, ou plutôt entre l'islam et ces chrétientés complexes. Juste un mot, en changeant de sujet, mais pour rappeler que sa maison, finalement, la maison où il a été emprisonné, est devenue un musée. Al-Mansoura. Et que... c'est le musée national de Mansoura, en Égypte. La maison hyptique. Voilà, parce que c'est quand on la visite aujourd'hui, il faut le dire, il faut inviter vraiment les auditeurs à aller à la Mansoura, qui est une ville aujourd'hui plus millionnaire. C'est pas tout à fait une ville touristique, mais il y a quand même ce musée national où il y a plutôt des élèves des écoles qui y vont. Et effectivement, ce qui est très frappant, c'est qu'on visite une maison vraisemblablement d'époque ottomane, mais qui, en tout cas, est considérée. On visite même, on a le mannequin de Saint-Louis. C'est quand même important de le rappeler. Oui. Merci à vous, Anne-Marie Aidé, Abès Zouache et Yann Potin, ainsi qu'à Victor Massé-Lépiné pour avoir débattu de ce moment très particulier de cette septième croisade en Égypte. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marcet, Anthony Thomasson était à la technique, aujourd'hui et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.